50 ans de répression, du jaguar des tyrans. Les jeunes luttent pour leur pays au milieu des démocraties. De l'hiver blanc, sous une chapeau de plomb, on étouffe chaque son. Des milliers de chars écrasent les derniers espoirs. La raison d'état fait on préfère se taire plutôt que de déplaire. On s'incline devant les villes.